mais je mène une vie cancérigène. J'ai pas de logement, que des souvenirs pour me réchauffer quand c'est l'hiver. Quand mon coin trûle, danger y perd. Ouais, je voulais m'y retrouver dans la vie, mais au contraire, dans ce carton, je sens que je vais m'y perdre. Et où je vis, c'est un fest, le manque d'argent me fait défaut. Moi, on m'a fait des fucks quand je leur ai demandé de faire un geste. Et j'ai les chromes, mais c'est l'époque. Pourtant, j'ai rien fait pour que ma vie soit telle qu'elle. Allez, serre un verre ou deux, loin d'être un père, tous deux, mais je vois plus mes mots. Hier, j'avais le bonheur comme bras droit. Aujourd'hui, la rue m'épaule. T'as vu, c'est chaud, hein, mais cool, je reste zen. Mon espérance de vie dépasse pas celle de ma bouteille pleine. Et puis, mes idées noires me donnent envie de me tirer de là, gros. La richesse est dans le cœur qui est le pauvre type entre lui et moi. Et tu te files les droits quand ta vie prend virage sec et serré. Dur de se faire entendre quand t'es qu'un minable désespéré. C'est pas drôle. Ignoré par ceux qui vivent à l'aise, les riches chuchotent entre eux et n'écoutent pas ceux qui crient à l'aide. La vie de ma mère, je n'invente pas. L'impression d'être seul dans ce monde, sauf que dans le fond, on est plein dans ce cas. Yves, je repense à quand ma vie paraissait bien. J'appuie et je crâne sur les passants, vu qu'ils nous traitent pareil que des chiens. Après le destin, ça sert à rien de courir. Si la vie c'est l'enfer, je dirais que l'avenir appartient à ceux qui sont sur le point de mourir. Sur leur triste sort, j'ai pas être pris de remords. Et puis merde, c'est pas de ma faute si certains vivent dehors. Ma vie est rarement moche, sache qu'entre autres, moi j'avais le salaire d'un ouvrier comme argent de poche. Suis slash en Porsche, car réussi dans la vie, j'ai plus de salive depuis que je crache sur les démunis sans avenir. Et je parle sans trop me soucier d'eux, parce qu'au fond je m'en prends. Non, franchement, c'est un compte en banque, pas un cœur qui se cache dans le torse. Man en gros, les pauvres en sanglots, je m'en fiche sans rire. Si ta faille serait pas sans logement fixe, tant que je suis bien dans ma peau, je m'en fous de la tristesse de l'autre. Tu sais, moi aussi j'ai mes blèmes, remballe ta vie de merde de pauvre. Je me distrais en observant la souffrance humaine, en m'ouvrant une pierre. Seul dans mon salon de 100 mètres carrés, gros sache que tout le temps que tu perds à péter le dos pour un salaire de misère. Moi en une heure, le cash tombe sans même aller au taf. Souvent tu perds, sentimentalement parlant, car j'ai pas la richesse, quelqu'un qui a grandi sans argent. Navrant, pourtant tu sais, je suis bien, je dis ça car moi je n'ai que 30 piges. Je suis chef d'entreprise et fils à papa de père en fils. Je claque mon pif en rentrant tard, j'avoue. Le mot misère, je le prononce quand j'entends Aznavour. Ceux qui crient à l'aide, je les entends pas. Je donne des milliers aux putes de luxe, pourtant rien, ce moment donc je crois chaque jour. Rien, je lui donne rien. Rien. Rien à ce mendiant que je crois chaque jour. Rien. Rien à foutre. Rien. Gros c'est rude, je suis ce mendiant en question. En question. Tu te rappelles, c'est moi qui te parlais au début. Au début. J'ai beau y faire de grosses études. Grosses études. Survie depuis plus de 30 ans sans maison. Et puis je vais gentiment me détacher de tout espoir. J'ai perdu confiance en moi dans tout ce que j'entreprends. J'ai le sentiment d'être haché. Des fonds de poubelle pour me remplir le ventre. Si seulement je pouvais faire allusion à l'argent quand je dis que j'en ai assez. Et je vais te parler de ce fameux soir. Il faisait trop froid, je m'en rappelle. C'était dans un de ces coins où les clochards s'entassent. Vodka, je m'en tape. Le bonheur se trouve dans les choses simples. J'ai vu le mien apparaître sur le trottoir d'en face. Le bonheur en question s'appelle Francine. Elle a les yeux bleus, assortie à sa veste en jeans. C'est ouf, cousse. J'ai survécu à plein d'orages, mais je crois que je me suis jamais remis de coup de foudre. Depuis ce jour-là, 5 années sont passées. Maintenant, c'est à côté de moi qu'elle a installé son foyer. Aujourd'hui, j'ai son cœur pour me tenir chaud. Et quand elle me sourit, j'en oublie que je suis pauvre. J'en oublie que je suis pauvre. J'en oublie que je suis pauvre. J'en oublie que je suis pauvre. Elle est belle, tellement belle. C'est mon étoile, elle brille plus que celle qui est dans le ciel. Celle qui est dans le ciel. Tu en rigèles, c'est l'enfer. Mais tant qu'elle est auprès de moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Elle est belle, tellement belle. C'est mon étoile, elle brille plus que celle qui est dans le ciel. Celle qui est dans le ciel. Tu en rigèles, c'est l'enfer. Mais tant qu'elle est auprès de moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. La différence entre toi et moi, c'est que toi t'as l'argent pour le plus beau bouquet. Moi, j'ai même pas de quoi acheter une rose. Mais moi au moins, j'ai quelqu'un qui le frère. Alors, c'est qui le pauvre type? Hein?